dans le podcast Par nos voix. Je suis Marwa et vous allez m'accompagner tout au long de cette aventure à la rencontre de femmes maghrébines qui ont changé les choses. J'espère que vous êtes prêtes. Alors pourquoi l'immigration maghrébine ? Eh bien, parce que mon vécu et l'histoire coloniale et les problématiques post-coloniales qui nous sont communes me permettent d'aborder ce sujet. Pourquoi par nos voix ? Eh bien, par nos voix, c'est par nos voix, notre vécu, notre expérience, que ces parcours inspirants seront mis en lumière et valorisés. C'est par nos voix, c'est celles qui ont laissé des traces, des mots, des écrits, pour que leur passage soit un chemin, une route, un livre, une porte à jamais ouverte pour les générations qui les suivent. Par nos voix, c'est donc le podcast où les chemins s'entrecroisent, se rencontrent, pour ne former qu'un. Je vais, tout au long de ce podcast, avoir la chance de partager avec vous mes rencontres avec ces femmes, des écrivaines, des entrepreneuses, des journalistes, des médecins, qui sont partis de rien et qui sont allés affronter le monde. Un hommage alors à toutes ces femmes qui ont puisé au plus profond d'elles-mêmes une force inestimable pour arriver là où personne ne les attendait.